ne te fait pas plaisir. C'est les oreilles qui saignent et tu souffles martyr. Tu te dis en toi-même qu'on ne peut pas faire pire. Les sens sont en éveil. Toi tu voudrais dormir. Tu es un crash et rip avec carnier violence. Et te file des bourbifs. Tu font preuve d'arrogance. Ne sois mal satisfait. Observe la manœuvre. Tu es SM, gère son effet. Sorcière comme une pieuvre. QSM pousse le bouchon et QSM bouche le poussin. Le baron à la goutte, c'est la biroute qui se passe. QSM passe le temps et QSM dans l'espace. QSM fait des faits. Le squamat pète les faits. Je t'aime. QSM est mauvais. Il a le front luisant. Et les graines sont chapelets. À coups d'accord puissants. Les gaillards s'acharnent sur leur pauvre guitare. Ils en tirent des sons dignes de ses pires cauchemars. QSM boit du vin et QSM envoie du bois. QSM déglingue ta mère et amère. Il sort son flingue. Oh, QSM arrose les fleurs. Et QSM te flaire la rose. Oh, tu sais, QSM te gratte, te latte et te mate. QSM se frotte, te crotte et te frite. QSM est louche, tu te couches comme une loche. QSM te mâche comme une quiche, pauvre tâche. QSM est cache, il est moche mais pas lâche. QSM se mouche, il te touche et il crache. Le squamate te gratte et te mate à coups de batte. Il te casse les ratiches, il te pète les pattes. QSM est louche et tu te couches comme une loche. QSM te mâche comme une quiche, pauvre